Je roule à 110 km/h. Je dois ralentir. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux dépasser. Oui, réponse C. Non, réponse D.